France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le naufrage du Djola. Il y a 21 ans, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, le Djola, un navire qui effectuait la liaison entre la Casamance, une région enclavée du sud du Sénégal, et Dakar, la capitale, sombrait dans l'océan Atlantique au milieu d'une tempête. À son bord, près de 2000 passagers. Des Sénégalais, bien sûr, mais aussi d'autres Africains, des Européens et des Français, notamment. 64 personnes seulement seront rescapées. C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire de la navigation, pire que le Titanic, dont le naufrage avait fait tout de même 1500 morts. Ce drame a endeuillé toute une région, la Casamance, abandonnée par les pouvoirs publics et en proie à une insurrection armée depuis plusieurs années. Et même tout un pays. Des milliers de familles ont été doublement meurtries. Par la perte d'un père, d'une mère, d'un frère, mais aussi par le déni de justice qui a suivi. Il n'y a jamais eu de procès. Le président Abdoulaye Wade, qui avait promis de faire toute la lumière sur ce drame, a enterré l'affaire, un deuxième naufrage pour les familles des victimes. Notre invité aujourd'hui, Adrien Absolu, écrivain, auteur du livre intitulé « Les disparus du Djola », publié en 2020 chez Lattès. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Rémi Carayol, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. La saison des pluies touche à sa fin au Sénégal en ce mois de septembre 2002. Les averses se font plus rares, l'air devient plus sec. Mais l'euphorie provoquée par les exploits des lions de la Teranga, durant l'été, elle ne retombe pas. Pour sa toute première participation à la Coupe du Monde de football, l'équipe nationale a multiplié les exploits au Japon et en Corée. Elle a atteint les quarts de finale, où elle n'est tombée que contre une solide Turquie au bout des prolongations. Mais auparavant, le Sénégal a éliminé la Suède, l'Uruguay et surtout la France, l'ancienne puissance coloniale, championne du monde en titre. En quelques minutes, le centre de Dakar est littéralement investi par les supporters. Des supporters de tous âges, de toute origine sociale. C'est comme si c'était le match le plus important de la Coupe du Monde, quoi. Nous savons que nous avions de valeureux lions sur le terrain. Ouais. Et nous avons gagné. Le coq ne peut pas tuer un lion. C'est pas possible. Le lion va manger le coq, prédisait la rue ces dernières semaines. Il est effectivement au menu ce soir. Quatre mois ont passé depuis cette folie collective. Mais ce jeudi 26 septembre, à Ziguinchor, le chef-lieu de la Casamance, l'ambiance est encore à la fête. Dès le petit matin, la ville frémit, les gens accourent de partout, le marché est en ébullition. Et il y a une raison à tout cela, ce n'est pas le football, non, c'est que le Djola est à quai, il va bientôt partir pour Dakar. Ce navire qui deux fois par semaine relie la capitale Ziguinchor a enfin repris du service. 13 mois qu'il était en cale sèche, qu'il n'y avait plus de liaison maritime. Et le seul moyen pour rejoindre Dakar, hormis l'avion, mais bien trop cher pour la plupart des Sénégalais, c'était la route. Un voyage interminable, au moins 2 jours. 2 jours épuisants dans ces taxis-brousses sursauffés et inconfortables. Et dangereux surtout, avec toutes ces routes défoncées et ces bandes armées qui attendent la nuit pour détrousser les voyageurs. Alors quand, il y a quelques jours, le 10 septembre, le Djola a rallié Ziguinchor pour la première fois depuis plus d'un an, avec 2 ministres à bord pour marquer le coup, les Casassés, c'est ainsi que se nomment eux-mêmes les habitants de la Casamance, ont eu l'impression de revivre. Pour comprendre cet engouement, il suffit de regarder une carte du Sénégal, précisément. Et que voit-on ? La presqu'île du Cap-Vert, tout d'abord, où se trouve la ville de Dakar, et qui pointe vers l'océan Atlantique, et au-delà, vers le continent américain. Et puis, il y a cette curieuse enclave, là, plus au sud, comme encastrée, qui vient quasiment couper le pays en deux. Les Sénégalais, qui ne manquent pas d'humour, l'appellent le suppositoire. C'est la Gambie, une ancienne possession britannique, un pays façonné tout au long d'un fleuve, le Gambie, à l'époque de la colonisation, quand l'Europe se partageait le continent au gré des intérêts des uns et des autres. Les Britanniques voulaient un comptoir, ils ont eu leur comptoir. au sud de ce territoire, il y a donc la Casamance. Elle a pris également les contours d'un fleuve, le Casamance. Mais cette région marécageuse, ce sont les Français qui l'ont conquise avant de la rattacher au Sénégal. Et plus au sud encore, on trouve la Guinée-Bissau, une ancienne colonie portugaise. Partout en Afrique, les Européens ont créé des frontières qui ne correspondent en rien à la réalité du terrain, séparant de manière arbitraire des peuples qui pourtant avaient tout en commun. Ici, ce sont les Dioula, même langue, même culture. Enclavés dans un pays qui a hérité de la centralisation française, abandonnés par les pouvoirs successifs, la Casamance se retrouve loin de tout. Pour rejoindre Dakar, le plus direct par la route impose de passer par la Gambie et son redoutable goulet d'étranglement au niveau du fleuve que l'on traverse sur des bacs vétustes. Et l'attente peut durer des heures, voire plusieurs jours parfois. Et puis il y a tous ces hommes en uniforme et ces intermédiaires à qui il faut graisser la patte. Alors l'autre solution, c'est de contourner la Gambie et de passer par l'est, par la ville de Tambacounda. Mais là encore, c'est interminable. 2 jours au moins et près de 900 kilomètres, presque le double du trajet le plus direct. Et puis les routes sont dans un tel état. Alors oui, quand le Djola reprend du service, c'est toute la région qui revit. Et ce navire, c'est un trait d'union, un cordon ombilical. Voilà ce qu'en disait l'un de ses usagers dans l'émission Thalassa, diffusée en mars 2001, quelques mois avant le naufrage. C'est toute une vie qui est là, le Djola. Si vous voyez les gens, comment ils font quand le Djola est là, l'ambiance qui est là. Le bateau, le Djola, je l'avoue, ça fait partie de l'âme de l'économie du Sénégal. C'est pratique de voyager en mer parce que c'est moins cher. Par exemple, la troisième classe, de Dakar à Ziguinchor, c'est 3 500. Jusqu'à Karabakh, c'est 3 000. 3 000 francs CFA, 30 francs français pour une traversée qui durera toute la nuit. Et oui, 3 500 francs, c'est un prix imbattable. Et d'ailleurs, il y a foule ce 26 septembre à l'embarcadère de Saint-Guichard. Comme toujours, certes, mais plus encore cette fois, beaucoup plus même. Tout le monde veut le prendre, ce bateau. D'autant que, depuis 10 jours, le passage par le fleuve Gambie est impossible à cause des inondations provoquées par les fortes pluies. Alors il y a là des étudiants, les appellent les octobristes, la rentrée universitaire approche, il est temps pour eux de retourner à Dakar. Il y a les fameuses Banabana, ces commerçantes qui partent vendre des produits du territoire dans la capitale, des mangues, des oranges, du miel, de l'huile de palme. Elles font presque partie des meubles dans ce bateau, elles qui passent leur temps à faire la traversée. On croise également des militaires, ils sont nombreux dans la région. D'ailleurs, depuis plusieurs années, le Djola est géré par l'armée, point sur lequel on reviendra car il est capital. Et puis il y a des Européens, des Espagnols, des Néerlandais, des Français bien sûr, car la Casamance, avec ses plages de sable blanc et son Club Med, est un haut lieu du tourisme dans la région. Dans son enquête consacrée à ce naufrage intitulé « Les disparus de Djola », l'écrivain français Adrien Absolu propose ce qu'il appelle un échantillon aléatoire de passagers. Il y a Jean Diédou qui s'apprête à démarrer sa deuxième année de DUG d'anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, après des congés passés à aider ses parents aux travaux de culture du riz et du niébé dans le village natal. Il y a Malang Badji, originaire de Thionkessil, qui part faire son lycée à Thiès pour apprendre les rudiments de l'informatique. Il y a Clara Gomez, employée du centre commercial de Parly 2, dans les Yvelines, de retour de vacances. Il y a le musicien U2, achevant une tournée à travers le pays, connu pour reprendre les meilleurs titres de la chanson sénégalaise de Youssou N'Dour. Il y a Michel Diatta, colosse de 1m99 pour 110 kg, ancienne internationale sénégalais, qui a porté plus tôt dans sa carrière les couleurs de l'équipe de la compagnie sucrière sénégalaise et celle du port autonome, et qui désormais entraîne une jeune équipe de football locale, s'en allant disputer un tournoi dans la ville de Kaffrine, en bateau via Dakar, faute d'avoir réussi à trouver l'argent du carburant pour faire le trajet en car avec ses 26 Benjamins. Le ciel est voilé, mais la température commence à monter en milieu de matinée. Le chargement des véhicules a commencé la veille, l'avitaillement en eau douce également, mais il était contrarié par une chute de pression du réseau. Les tanks, qui jouent un rôle important dans l'équilibre du navire, ne sont remplis qu'aux 2/3. La vente des billets, elle, est close depuis 2 jours. La jauge de 536 passagers, auxquels s'ajoutent les 44 membres d'équipage, a été vite atteinte. Mais les candidats au départ ne désarment pas. Certains tentent de resquiller, d'autres achètent des billets frauduleux, car il existe une billetterie parallèle depuis des années. En tout cas, l'afflux est tel que, dit-on, le commandant de bord aurait autorisé la reprise de la vente pour les tickets de troisième classe, les moins chers, les moins confortables également. 45 billets ont été vendus en cabine de première, 110 en seconde, mais combien en troisième? Officiellement, 855. En réalité, beaucoup plus. Et ce, sans compter les passagers qui n'ont pas besoin de payer. Les militaires, les enfants de moins de 5 ans et les amis des membres de l'équipage. Le départ était prévu pour 11h. Mais à 13h, le Diola est toujours là. Sur le quai, comme dans le bateau, c'est une immense cohue. Les gens s'installent où ils peuvent, dans les coursives, dans les allées du garage. Certains tentent de monter sur le pont afin de respirer l'air pur. Et soudain, une rumeur enfle. Un jeune pêcheur qui venait livrer de la glace serait tombé de sa pirogue et se serait noyé dans le fleuve. Voilà qui est de bien mauvais augure. Parce qu'en Casamance, les croyances mystiques sont encore puissantes. Et on ne prend pas à la légère ce genre d'incident. Mais bon, ce jour-là, on n'y prête pas vraiment attention. Pas plus qu'à l'inclinaison du bateau qui penche pourtant dangereusement à bâbord, donc sur son côté gauche. C'est normal, se dit-on, ça fait des années que c'est comme ça. Pourtant, en 2001, les journalistes de Thalassa, eux, s'en étaient déjà étonnés. Comme toujours, le ferry regarde tout le monde de travers. Pas facile de rester bien d'aplomb en accueillant pêle-mêle des ordinateurs, des poissons et des bidons. Alors tant pis, si le ferry donne de la bande, il y a 80 tonnes de fret à charger avant la nuit. Moi, je me charge de façon à pouvoir redresser une gîte. Bien vu. Le gîtomètre fait une déviation à bâbord et je m'arrache à faire le maximum pour le mettre dans la lignée. Et mon travail ici, c'est de dire aux gars, mettez ici, mettez pas ici, mettez ici, ici. Et comme il y a des ouvriers qui travaillent pour le métier, ils sont chargés de ranger et selon mes ordres. Il est 13h30 quand le Diola quitte enfin le port de Zinguichor et vogue sur le fleuve en direction de l'océan. À son bord, près de 2000 personnes, trois fois plus que la jauge autorisée. Trois heures plus tard, le navire réduit son régime moteur pour préparer son bouillage à Carabane. L'île est située à la sortie de l'estuaire, elle marque l'entrée dans l'océan. Et c'est aussi la dernière chance de prendre le bateau en marche. Il n'y a déjà plus aucune place. Mais 180 personnes supplémentaires montent quand même à bord, empruntant des pirogues, car ici, il n'y a pas d'embarcadère. Parmi les nouveaux venus, certains n'avaient pas obtenu de billet à Zinguichor. Ils se sont donc empressés de faire la route jusqu'à Carabane pour tenter leur chance à nouveau. Plusieurs tonnes de poissons séchés sont également chargées. En arrivant, le navire entreprend une manœuvre inhabituelle. Avant de jeter l'ancre, il fait demi-tour pour se retrouver face au courant descendant. Et d'un seul coup, le voilà qui s'est lourdement renversé. Désormais, il penche à tribord, donc sur sa droite, et de manière préoccupante. Sur la berge, un témoin, peut-être impressionné par ce spectacle, filme la scène. Quelques jours après le naufrage, France 2 diffusera justement ces images, et avec ses commentaires. C'était quelques heures avant le naufrage, le Diola, en provenance de Zinguichor, mouille au large des côtes casamançaises. Il est surchargé, déjà, il gîte dangereusement. Des bateaux-taxis continuent d'amener de nouveaux passagers, 5 euros le voyage. Ils ne sont pas enregistrés. Nul ne s'en étonne, le Diola est le seul et unique moyen de rallier Dakar depuis la Casamance. La pluie, l'orage, les éclairs et enfin le vent. Les bateaux-taxis rebroussent chemin. Quant au Diola, il disparaît dans les brumes. C'est son dernier voyage. La nuit est tombée quand le Diola franchit l'embouchure du fleuve et met le cap vers Dakar. L'océan est plutôt calme, oui. Mais au loin, on aperçoit des ondées, le ciel se charge. À bord, chacun sait trouver sa place, on joue au domino, aux cartes. Des occupants de la troisième classe tentent de monter sur le pont supérieur pour échapper à la chaleur étouffante. ceux des cabines ont droit à un film hollywoodien sur leur écran de télé, Air Force One, l'histoire d'une prise d'otage de l'avion du président des États-Unis avec en tête d'affiche Harrison Ford et Gary Oldman. Dans le restaurant, où l'on vient se servir un poulet yassa, un plat emblématique du Sénégal, les musiciens du groupe Diamorai mettent l'ambiance. Et voilà, le bateau avance à petite allure, une seule cheminée fume, mais qui s'en aperçoit ? Demande de liaison pour j'entends, Foxtrot India 39-78, j'entends. Trafic pour Blackburn, Foxtrot Hotel 50-63. À 22h, le Diola établit son dernier contact radio avec la base marine de Dakar. Rien à signaler. Mais très vite, le temps se gâte. Le vent forcit. Le léger crachin se transforme en une pluie battante, puis en un violent orage. Et en quelques minutes, 3 tonnes d'eau s'abattent sur le navire. Les vagues se creusent. Le bateau tangue un peu plus fort. À droite, à gauche, on doit se tenir désormais pour ne pas glisser. La vaisselle s'écrase au sol, les fenêtres claquent au vent. La salle des machines appelle alors à l'aide. Et le commandant décide de couper les moteurs. Grave erreur. Pour s'abriter de la pluie, les passagers changent subitement de côté, tous à bâbord. Quand soudain, un coup de vent couche le bateau, le Diola vacille, 10 degrés d'angle de gîte, puis 15 degrés, puis 20. Dans le garage, les véhicules qui n'étaient pas arrimés, rip. La grande portière arrière du garage a été laissée entrouverte pour laisser passer de l'air, mais maintenant, c'est de l'eau qui entre et qui provoque un court-circuit. Plus d'électricité, plus de lumière, seuls les éclairs permettent, durant quelques petites secondes, de voir où l'on se trouve. En 2012, Patrice Auvray, le seul rescapé français du naufrage, raconte ses terribles instants sur France Culture. D'abord, la télé qui s'éteint, il y a des objets qui commencent à bouger, et puis on se retient l'un à l'autre, on ne sait plus où on est dans le noir, là, le bateau continue de se retourner, j'entends un immense cri, tout le monde à bord crie en même temps, quoi. Ça fait comme un seul cri, c'est comme un cri dans un stade, on a l'impression que c'est le bateau qui... lui-même qui crie. Tout de suite après, il y a un fracas. Tout tombe autour de nous, dans la cabine. Il est autour de 23h. Le Diola a parcouru 52 000, même pas 100 km, et se trouve à 17 000 de la côte gambienne, lorsque l'angle de bascule de 22 degrés est atteint. Et dès lors, tout va très vite. Le bateau se retourne en 2 minutes. Comme d'autres, Patrice Auvray et sa compagne, Coco malade, se jettent à l'eau. Poussés par le même réflexe, celles et ceux qui savent nager s'éloignent du bateau qui sombre pour ne pas être aspirés avec lui. Mais la plupart en sont prisonniers. Ils n'ont pas eu le temps de sortir. Ils n'en ont pas eu la possibilité, tout simplement. Sur les quelques 2000 passagers du Diola, seuls 64 survivront à cette terrible épreuve. Ferry bañu danan batolo jola mi sok ci birge xale bi mi ngi joy nan bay ana sama yaay boy bay na ko do mana yaay boy Senegal digindi ga Boy, dom ne kabayana yai boy. Yalli firina ni yalla reka san Yalla reka man kon mom reka moy bo Senegal Senegal Zigini gal Gambia Gambia Oh Zigini Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le naufrage du Djola. Affaires Sensibles. Fabrice Drouel. Il est minuit passé. Nous sommes maintenant le 27 septembre. Il fait nuit noire, c'est la tempête. La mer a le goût du mazout et de l'huile de palme qui se sont échappées du Djola. Et rien, non rien ne permet de penser que le secours arrive. Panique. Que faire ? Chacun essaie de s'accrocher à un objet flottant. Certains ont entrepris de nager en direction de la côte, située à une trentaine de kilomètres de là. Au loin, ils aperçoivent les lumières du port gambien de San Yang Point. D'autres tentent de monter sur la coque du Djola. Parce que le bateau s'est retourné, mais une partie de sa structure est encore émergée. Il y a là Patrice Auvray, le français, mais pas Coco, sa compagne. À bout de force, elle a fini par lâcher prise. Il y a aussi Jean Didou, Malang Badji, et une femme, la seule, Mariama Diouf, enceinte de 3 mois. Petit à petit, les rescapés affluent. On les aide à monter sur la coque. On s'enlace pour se donner de la force. Au petit matin, ils peuvent se compter. Ils sont 22 sur l'épave. Ils peuvent aussi entendre des voix qui leur parviennent de l'autre côté de la coque. Oui, il y a des survivants là-dessous, c'est sûr. Peut-être se sont-ils réfugiés dans une poche d'air, comme en témoignait Patrice Auvray en 2012 sur France Culture. J'entends comme des sons bizarres, comme des voix. Je suppose être d'autres rescapés qui sont dans l'eau. Pourtant, ils auraient dû venir avant, puisque plusieurs heures se sont passées. Mais finalement, je commence à comprendre et je colle mon oreille contre la coque. Et parmi tous les bruits des objets flottants à l'intérieur qui font un brouhaha, je perçois effectivement des cris humains. Et là, je comprends, quoi. Je comprends qu'il y a encore des survivants à l'intérieur du bateau. D'autres vérifient ce que je dis en collant eux-mêmes leur oreille contre la coque, en se redressant et confirment ce que je dis. Vers 7 heures, des pêcheurs gambiens viennent enfin à leur secours. Les 22 de l'épave doivent se résoudre à partir et laisser les derniers survivants à leur propre sort. Quelques coups sur la coque pour leur dire adieu et ils embarquent à bord des pirogues, le cœur lourd. Au même moment, le port de Dakar se remplit des pères, des mères ou des amis venus récupérer leurs proches. Habituellement, le Djola arrive entre 5h et 7h du matin. Il ne devrait donc plus tarder, pensent-ils. Parce qu'ils ne savent pas encore ce qui est arrivé. Non, personne ne le sait. À Saint-Guichard, une rumeur circule. Le Djola aurait eu un problème. Mais rien de concret. En tout cas, pas de quoi s'inquiéter. Ce n'est qu'à 8h15 que l'alerte est donnée, plus de 9h après le naufrage. Un chalutier vient d'arriver sur zone. Son commandant prévient son armateur, qui en informe à son tour le port de Dakar. À 8h41, les coordonnées GPS du naufrage sont transmises. Une réunion de crise est aussitôt mise en place. Mais à 9h30, de manière inexplicable, la Marine nationale envoie un message à Vurnav, c'est-à-dire une alerte collision sur les ondes. Oui, une alerte collision, mais pas de SOS. C'est à se demander si les autorités ont bien saisi l'ampleur de la catastrophe. Certains plans hors sec sont déclenchés, l'armée se met en action, mais le chef d'état-major, le général Babacar Gaye, pourtant prévenu, ne change rien à ses plans. Non. Il part pour Saint-Louis, dans le nord du pays, où il doit décorer des officiers. Quant au chef de la marine, il refuse d'envoyer l'avion de surveillance des ministères de la pêche au-dessus d'Épave. Même les Français n'y tiennent plus. L'armée, qui dispose d'une base à Dakar, a proposé d'envoyer sur place un brigue atlantique, un avion de patrouille maritime. Mais l'autorisation de décoller n'arrive que 2 heures plus tard. Il est presque midi. Et à cette heure-là, la nouvelle a fait le tour du pays. La RTS, la radio-télévision sénégalaise, l'a annoncé dans le journal de la mi-journée. L'information aujourd'hui, c'est ce triste accident du bateau Le Diola qui assure la liaison Dakar-Diguinchor. Le navire a en effet chaviré hier vers 23h dans les eaux territoriales de la Gambie. Une forte tempête est à l'origine de cet accident. Le premier bilan fait état de 41 victimes et de 32 survivants. 796 personnes étaient à bord du bateau à son départ de Diguinchor. Une cellule de crise a été mise en place. Dès que la nouvelle tombe à Diguinchor, comme à Dakar, on se presse à mon port pour prendre des nouvelles, s'enquérir du nom des rescapés, ou simplement de ceux des passagers. Car beaucoup sont montés à bord sans en avertir leurs proches, comme ça, à l'improviste. Alors on espère qu'ils n'ont loupé ce bateau, qu'ils ont eu un empêchement, un accident, enfin, n'importe quoi, du moment qu'ils n'étaient pas à bord. L'attente est interminable, et des esprits s'échauffent quand d'autres s'effondrent. Au fil des heures, l'espoir s'amenuise. Dignité dans le deuil, toute la journée, les familles des disparus ont attendu sous le soleil de Dakar pour accéder à ce simple panneau et tenter de retrouver l'un des leurs. Un passage aussi difficile qu'obligé, quand l'incertitude devient souffrance. J'ai mon fils aîné qui était dans le bateau. Qu'est-ce que vous faites depuis ce moment-là? Vous allez à l'hôpital, vous cherchez des informations? Je vais un peu partout pour voir, mais j'espère pas dans. À 17h, rien n'a encore été entrepris pour essayer de trouver des survivants dans l'épave. Quand soudain, sous l'œil des équipages de 5 chalutiers qui se sont déroutés pour récupérer d'éventuels rescapés, le Diola s'affaisse. Sous le soleil déclinant, la coque disparaît dans les eaux. Et cette fois, il n'y a plus d'espoir. Pourtant, quelques minutes avant, on entendait encore des voix qui venaient de sous la coque. Le lendemain, des plongeurs arrivent. Un groupe plonge à bâbord, l'autre à tribord. La progression est très difficile. La mer est agitée. Le bateau est instable. Quand ils pénètrent à l'intérieur, les scaphandriers découvrent un spectacle d'apocalypse. Haïdar est l'allié de ceux-là, un activiste écologiste bien connu au Sénégal, plongeur expérimenté. Dès qu'il a entendu la nouvelle du naufrage, il est parti sur place avec d'autres amateurs des fonds marins. Mais ce qu'il discerne dans l'épave ce samedi 28 septembre le pétrifie. Environ 200-250 personnes mortes autour de vous, qui flottent, qui sont par terre, qui sont retenues à leur siège. Certains qui essaient de sortir, donc qui tapaient les vitres avec leurs pieds. C'est tout cela, on l'a, une fois dans le bateau, on l'a vu. On l'a imaginé, le comportement de ces gens avant de mourir. Quand je suis parti d'ici, je pensais qu'autour du bateau, il y allait y avoir des morts à sortir et que ça s'arrêtait là, qu'on avait pu récupérer les gens dans leur grande majorité. Je n'avais pas imaginé qu'entrer dans une salle, j'allais être entouré d'eux. Pendant des heures, ce samedi, les plongeurs s'échinent à remonter des corps dans l'improvisation la plus totale. Au final, près de 600 seront repêchés. Le dimanche, on prépare le remorquage du Diola, mais l'ordre s'est fait attendre. Il n'arrivera jamais. Le lundi 30 septembre, le navire a fini de dériver. Il s'est échoué à 14 mètres de profondeur. À 20h, alors que la nuit est tombée, les équipes du remorqueur décident, la mort dans l'âme, de rentrer au port. Et c'est la fin officielle des opérations de secours. À Dakar, la colère est palpable. Le président Abdoulaye Wade, qui se trouvait en France au moment du naufrage, promet que toute la lumière sera faite sur ce drame. Le 1er octobre, dans une déclaration solennelle, il donne des gages aux familles des victimes. Les deux ministres concernés, celui des transports et celui des armées, ont d'ores et déjà démissionné. Ceux-là même qui, le 10 septembre, avaient effectué le voyage de Dakar à Diguinchor pour la reprise de la liaison. Mais le président va plus loin. Il reconnaît, je le cite, des fautes, des négligences, des défaillances. Et il promet des sanctions. Annonce le déblocage d'un fonds d'urgence, la création d'une commission d'indemnisation et surtout, la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Un mois plus tard, alors que les familles n'arrivent pas à faire leur deuil, la commission finalise son rapport. Il est accablant. Le chargement du Diola a été fait à la va-vite. Les véhicules n'ont pas été arrimés. les ballasts centraux destinés à donner son assise au bateau étaient à moitié vides. Sans compter évidemment la surcharge liée au nombre bien trop élevé de passagers. Officiellement, ils étaient 1928 à bord. Mais il n'y a pas que ça. Le Giola ne disposait pas de l'équipement nécessaire pour recevoir les bulletins météo. D'ailleurs, aussi incroyable que cela puisse paraître, aucune procédure ne prévoyait de consulter le temps avant de prendre la mer. Difficile dès lors d'anticiper les rafales auxquelles le navire était confronté cette nuit-là, évidemment. Et puis il y a la question des moyens de secours. Le Giola disposait certes de deux barques à coque rigide, de 180 places, chargées de fusées de détresse et de vivres. Il y avait aussi deux autres canots sur le bateau, des radeaux gonflables, des bouées, 670 gilets de sauvetage. Eh bien, rien de tout cela n'a été mis à l'eau. La conclusion de la commission est donc claire, et je la cite, « Le navire ne respectait aucune des normes de sécurité prescrites en matière de navigabilité. Autrement dit, il n'aurait jamais dû prendre la mer ce 26 septembre 2002. » Et cela, personne au sommet de l'État ne pouvait l'ignorer. Cela faisait des années que ce bateau, un mastodonte de 1500 tonnes, tout en acier, 80 mètres de long, 12 de large, construit en Allemagne à la fin des années 80, était source d'inquiétude. Et plus particulièrement depuis que son exploitation avait été confiée à la Marine nationale en 1995, à l'armée donc, officiellement pour des raisons de sécurité intérieure. La Casamance est en effet en proie à une insurrection armée menée par le MFDC, le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance, qui se bat pour l'indépendance. C'est une guerre de basse intensité qui alterne depuis une quinzaine d'années entre longues périodes d'accalmie et quelques violentes attaques. Comme celle de Capskirin en automne 1993, couverte à l'époque par Richard Binet, l'envoyé spécial de France 2. Capskirin, la perle de la Casamance. Aujourd'hui, un paradis perdu. Le dernier touriste a depuis longtemps bouclé ses valises, tous les hôtels sont fermés, le club Méditerranée est gardé par un militaire. Le village des pêcheurs n'est plus qu'un amas de ruines. Ici s'étaient installées 800 familles, des tout couleurs et des Wolofs, attirés par le développement touristique du Cap. Le 26 octobre dernier, un commando du MFDC, le Mouvement des Forces Démocratiques Casamançaises, s'est glissé entre les maisons. Le plus grand massacre de l'histoire de la Casamance a commencé. 31 Sénégalais assassinés, hommes, femmes et enfants. Leur faute, ne pas être Diola, l'ethnie majoritaire en Casamance. Face à cette insaisissable guérilla, l'armée multiplie les opérations de ratissage, parfois aveuglément. De Ziguinchor à Boutoupa, les villages ont été vidés de leurs hommes, comme à Guidel. Les militaires soupçonnaient l'endroit d'être un repère de rebelles. Ils ont rasé le village. D'un côté, il y a les maquisards, des paysans souvent, qui refusent de se soumettre au pouvoir de Dakar et qui dénoncent la marginalisation des Doualas dans leur propre région. Il est vrai que depuis des années, les Sénégalais sont venus en nombre de tous les coins des pays pour profiter du boom touristique. De l'autre, il y a un pouvoir sourd à leurs revendications qui n'a pour seule réponse que la force et qui envoie l'armée pour quadriller la zone. C'est dans ce contexte que les autorités décident, en décembre 1995, de récupérer le Giola, qui était jusque-là exploité par une compagnie civile. Mais l'intensité du conflit ne faiblissant pas, il est vital, estime-t-on à Dakar, de contrôler la liaison maritime. Et puis, il y a de l'argent à se faire, entre les vrais billets, les faux et les différents trafics, de bois notamment. Le Giola peut rapporter gros. Mais un bâtiment comme celui-ci, ça demande beaucoup de soins, beaucoup d'entretien. Ce dont l'armée semble incapable. Ainsi, au fil des ans, les avaries se multiplient. Une pompe à eau hors service, des cylindres brisés, des ballasts perforés. Les alertes aussi. Le 15 mars 1999, le navire chargé de 1700 militaires qui rentrait d'une mission en Guinée-Bissau avait frôlé la catastrophe. Une photo a été prise lors de leur arrivée à Dakar. Et le Giola déborde littéralement de soldats, agglutinés sur tous les ponts. Heureusement, ce jour-là, la météo était clémente. La panne qui a immobilisé le navire durant 13 mois, en 2001 et 2002, aurait dû permettre de tout remettre à plat. Et c'est vrai qu'il était en partie retapé, ce bateau, l'un de ses deux moteurs, notamment. Mais c'était sans compter sur l'irresponsabilité des officiers. L'enquête menée au Sénégal, mais aussi en France, a révélé que le Giola ne répondait plus aux normes depuis bien longtemps. Il ne disposait plus d'aucun titre de sécurité depuis 1996, ni de titre de navigation depuis 1998. Plusieurs autres documents, détaillés dans une vidéo du Monde en 2022, démontrent l'incurie de l'armée sur ce point. Ces documents du Bureau Veritas, une société européenne d'inspection et de certification, montrent que le bateau n'avait pas validé de visite de sécurité depuis 1991, les travaux d'entretien n'étant jamais effectués. Conséquence, en septembre 2000, le Gioia subit un retrait de classe. Le Bureau Veritas ne garantit plus qu'il soit navigable. Ces problèmes sont connus au plus haut niveau de l'État sénégalais et de son armée. Voilà qui aurait dû aboutir à un procès exemplaire. Mais non, rien. En août 2003, le ministère public classe l'affaire. Explication donnée, la responsabilité du naufrage est à mettre sur le compte du seul commandant de bord, Issa Diarra. Ce dernier, certes, a commis des erreurs. Il n'aurait pas dû accepter tous ses passagers, à Ziguinchor. Et dans la tempête, il aurait dû positionner le navire face au vent pour atténuer l'effet de roulis et surtout ne pas couper les moteurs. De là en faire le seul responsable, il est vrai qu'il fait un bouc émissaire idéal puisqu'il a disparu avec le Gioia. Pas d'accusé, pas de procès, circulez. En Casamance, ce délit de justice passe mal. Et on parle d'un deuxième naufrage. Ouad est accusé de vouloir enterrer l'affaire. Certes, la plupart des familles ont été indemnisées. Pour chaque disparu, elles ont touché 10 millions de francs CFA, soit un peu plus de 15 000 euros. Une somme colossale dans ce pays, certes. Mais beaucoup regrettent d'avoir cédé. Parce que les familles ont compris qu'avec cet argent, le Sénégal a acheté leur silence. Contre cette petite fortune, elles se sont engagées, les familles, et par écrit, à ne pas poursuivre l'État en justice. Après cette douche froide, un espoir persiste toutefois. En France, une information judiciaire est ouverte après une plainte de plusieurs familles de victimes françaises, 18 à bord du Gioia. En 2008, l'espoir renaît même. Jean-Philippe Noël, le juge d'instruction en charge de l'affaire au tribunal d'Evry, lance 9 mandats d'arrêt internationaux contre plusieurs dirigeants sénégalais de l'époque. Des officiers, des fonctionnaires, et même l'ancienne première ministre, Madior Boye. À Ziguinchor, on applaudit. Mais l'État sénégalais ne l'entend pas de cette oreille. Ouad s'offusque. Il est alors en très bon terme avec Nicolas Sarkozy. La justice sénégalaise réplique en lançant à son tour des poursuites contre le juge Noël pour, je cite, « forfaiture et acte de nature à jeter le discrédit sur les institutions sénégalaises ». Un mois plus tard, la raison d'État remet la justice à sa place, le juge est muté à Cherbourg. 6 ans plus tard, sans surprise, c'est un non-lieu qui est prononcé. Aujourd'hui, on a compris à Ziguinchor qu'il n'y aurait probablement jamais de procès. Alors on se bat pour que ce terrible drame ne tombe pas dans les oubliettes de l'histoire. Pour qu'on se souvienne de ses victimes. Plus jamais ça, comme on dit. Mais pour cela, il reste une étape essentielle à franchir. En plus du mémorial qui devrait bientôt voir le jour en Casamance. Il faut sortir le Gioia des eaux. Il faut le renflouer afin de libérer ses fantômes. 20 ans après la catastrophe, c'est tout ce que demandait sur RFI Elie Diatta, qui elle a perdu son frère dans ce naufrage. Nous, famille des victimes, quand on parle de renflouement, c'est pas pour mettre sur la table des secrets d'État, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dans la cale en termes humanitaires, c'est-à-dire les personnes qui vivent dedans. Naturellement, vous me direz, 20 ans après, il n'y a personne, mais les âmes sont au fond de l'océan. Et ces âmes nous parlent au quotidien. Ces âmes nous demandent, nous tendent tout le temps la main pour qu'on vienne les retirer de l'océan. Pourquoi ? Parce qu'il y a la houle qui les cogne, il y a la houle qui les massacre. Parce que la mer n'est pas un cimetière. Donc là, il faut les ressortir. En les ressortant, à nous, ça nous permet de nous libérer, de faire le deuil. À ces victimes, ça leur permettra de se reposer définitivement en terre. Et je pense que ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, le naufrage du Gioia. Notre invité Adrien Absolu, écrivain, auteur du livre intitulé « Les disparus du Gioia », publié en 2020 chez Lattès. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel et merci beaucoup pour votre invitation. Mais je vous en prie, un livre sur le Gioia. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette affaire ? Alors, vous avez tout à fait raison de poser cette question parce que, a priori, rien ne me prédestinait forcément à écrire un livre sur cette histoire dramatique qui s'est passée au Sénégal. Moi, je suis alsacien de naissance. Oui, la mer n'est pas très présente là-bas, c'est sûr. D'accord. En réalité, il y a deux éléments à peu près concomitants dans le temps qui ont été le déclencheur de cette intuition qui avait là sans doute un livre nécessaire, en tout cas qui n'avait pas encore été écrit. Le premier, c'est lors d'un voyage que j'ai réalisé dans un cadre professionnel, en Casamance. Et puis j'apprends l'après-midi que notre vol pour Dakar est retardé, et donc j'en profite pour aller arpenter les rues de cette petite ville qui est vraiment très agréable, hein. Vous l'avez décrite un peu, blottie contre le fleuve Casamance. Et alors au cours de ma flânerie, je tombe sur une sorte de mausolée grillagée, fermée par un cadenas un peu rouillé où prolifère une sorte d'herbe folle. Il y a aussi une mosaïque qui représente un bateau avec des carreaux cassés. L'endroit paraît complètement à l'abandon, donc je m'approche et je lis la plaque. Alors je vous dis de mémoire, hein, mais je pense qu'il est indiqué à la mémoire des 1863 victimes du Djola sombré le 26 septembre 2022. Alors là, bien sûr, le chiffre qui m'interpelle, 1863 victimes, je me dis mais comment c'est possible que j'en ai jamais entendu parler. Donc de retour à l'hôtel, j'enclenche des recherches sur Wikipédia et je découvre, comme vous l'avez rappelé dans votre récit, qu'il s'agit de la plus grande catastrophe de la marine civile de tous les temps. Mais oui. Et puis les coïncidences, pour venir au deuxième élément, les coïncidences de la vie, qui sont parfois vraiment troublantes. Quelques semaines plus tard, je me retrouve dans une petite épicerie en pleine campagne française, un petit village du Morvan, qui est un très beau parc naturel, une épicerie qui vend du pain, même des cigarettes, ça existe encore. Et puis au moment de payer, je remarque à côté de la caisse enregistreuse des petites bougies à vendre à l'effigie du Djola. Et j'ai un petit panonceau qui indique pour financer l'action des familles des victimes du naufrage. Alors évidemment, là, ça m'intrigue complètement. J'interroge l'épicière, Hélène, en l'occurrence, hein, que je salue, et qui m'apprend, presque encore la larme à l'œil, 15 ans après, qu'elle a perdu son fils, Dominique, dans le drame. Ah. Il avait 20 ans à l'époque, même âge que moi. Et enfin, pas que moi aujourd'hui, mais que moi à l'époque. Et il était parti, sac à dos, découvrir le Sénégal durant un été. Donc, en fait, de là, l'idée de ce livre qui embrasse à la fois la dimension intime, hein, du drame, avec l'histoire de Dominique en filigrane, et qui essaye aussi d'être une sorte d'enquête, avec des témoignages en polyphonie des rescapés, notamment. On peut se demander pourquoi d'ailleurs ça n'a pas laissé une trace aussi forte dans les mémoires que le Titanic. Alors c'est vrai que le Titanic avait un enjeu économique énorme, des grandes puissances, le plus beau bateau du monde, tout ça, tout ça. N'empêche que le Djola passe un peu dans l'ombre du Titanic, mais un peu moins si vous avez écouté Affaires Sensibles, si on a lu votre livre. Comment avez-vous enquêté sur place? Je veux dire, est-ce que c'est un sujet dont on parle facilement au Sénégal? Alors, c'est une question à laquelle il n'est pas forcément simple de répondre. En fait, ce qui est sûr, c'est un sujet qui est encore ultra sensible au Sénégal, et en particulier en Casamance, où chacun, encore aujourd'hui, connaissait personnellement une des victimes. Donc, parfois, les gens ont envie d'en parler, un peu comme une catharsis, à défaut d'ailleurs de procès qui ne s'est pas tenu. Et puis d'autres personnes, au contraire, préfèrent se taire pour essayer d'oublier. Voilà. Alors, on fait trois constats, on va y revenir parce que c'est quand même assez saisissant. Le 26 septembre 2002, dans la matinée, il y a beaucoup de monde sur le bateau, on l'a dit, et déjà il penche de manière spectaculaire, il gîte, comme on dit dans la marine, et là il gîte grave. Pourtant, ça ne me semble pas inquiéter grand monde. Deuxième chose, parmi les nombreuses défaillances qui ont abouti à ce naufrage, il y en a une qui paraît invraisemblable, le Djola n'est pas équipé pour recevoir les bulletins météo, donc comment est-ce possible? Et il était équipé de matériel de secours, des canots, des gilets de sauvetage, mais personne ou presque n'a pu en profiter. Comment expliquer toutes ces anomalies qui sont aux yeux pourtant? Alors, pour essayer de répondre dans l'ordre, sur la question de la gîte du bateau, c'est vrai qu'on constate de visu que si on est présent dans le port de Ziguinchor le 26 septembre 2002, en fait, là, la réponse est limpide, il a toujours gîté, il a toujours navigué en surcharge, le Djola. Et pourtant, il est toujours arrivé à bon port, selon l'expression dédiée. Et puis, à cette époque, les gens ont confiance, hein, ils savent que c'est un bateau qui a été fabriqué dans un chantier naval en Allemagne. Il est assez récent de conception, je crois qu'il est sorti des chantiers en 1990, donc il y a seulement 12 ans. Donc sans doute un peu comme pour le Titanic, hein. Il doit y avoir une sorte de mythologie qui s'est créée autour du Djola, au point de le croire insubmersible. Hein. Ouais. Après, vous évoquiez aussi pour les diverses défaillances, l'absence de bulletin météo, ça serait que c'est difficile à expliquer. Sinon, en fait, à pointer du doigt, un défaut de maintenance criant au fil des ans. Et puis, le Djola, en fait, il part de Ziguinchor, il remonte, enfin, ou il descend plutôt le fleuve Casamance jusqu'à l'embouchure. Et ensuite, il navigue pas en haute mer. Il se contente de longer les côtes jusqu'à Dakar. Oui. Donc, on peut considérer peut-être que le capitaine estimait que c'était pas si important de vérifier la météo. Je sais pas trop. Mais il a dû se dire, on fait du cabotage, donc s'il arrive quelque chose, on sera pas très loin des terres. Peut-être ça, le raisonnement. Voilà, c'était, en tout cas, ça devait être les pratiques du moment. Et puis sur la dernière question, sur le matériel de secours. Alors, le bateau était effectivement équipé de gilets de sauvetage, de canots, mais personne n'a pu en profiter, vraiment à de très rares exceptions près, pour plusieurs raisons. Bah, parce que tout est allé très très vite en fait. Hein. On estime que le bateau il s'est retourné sur lui-même en 5 minutes à peine, donc les passagers n'ont pas du tout eu le temps de s'organiser. Et, évidemment, il n'y avait pas assez de gilets pour tout le monde, vu que la jauge était dépassée de 4 fois. Et puis aussi, les canots, ils étaient trop solidement amarrés avec des cordes, des boutes, comme on dit en langage marin, et on n'a pas réussi à les mettre à la mer. Donc tout ce matériel défectueux, sans doute d'ailleurs, ne servait à rien. Et puis il y a un amoncellement à 1000 feuilles de conséquences défavorables, enfin, de circonstances défavorables, puisqu'après le naufrage, les secours ont mis des heures et des heures à arriver. Comment on l'explique ça aussi? Alors ça, c'est une des grandes questions auxquelles aujourd'hui encore, hein, on n'a toujours pas de réponse claire et certaine. Bon, ce qu'on sait, c'est que le Djola n'était pas équipé de dispositifs d'alerte en cas d'avarie, par exemple pour émettre un SOS ou avec des feux de détresse. Il avait seulement une liaison radio toutes les 2 heures avec le port de Dakar. Donc, il a sombré à 11h du soir. À 10h du soir, la liaison a bien eu lieu. À minuit, le Djola répond plus. Mais ça n'inquiète pas, en fait, la personne qui assure la vigie cette nuit-là, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que la radio elle tombe en rade. Et donc, voilà, officiellement, en fait, sur le carnet de bord, ça a été dit durant le récit, c'est seulement à 8h20 du matin qu'apparaît la première mention alarmante. Un de nos armateurs vient de signaler que le Djola a coulé avec la frontière gambienne avec les coordonnées GPS. Mais j'aimerais quand même ajouter un élément, c'est que en réalité, on sait déjà à peu près à partir de 5h du matin, en tout cas les gens sont inquiets, la rumeur enfle que le Djola a eu un souci, il n'a pas forcément fait naufrage, mais il y a beaucoup de bruit vraiment qui court concernant cette nuit. Et une petite anecdote, on dit que le ministre du Tourisme, il aurait été alerté dès 3h du matin, mais que faute de connaître le numéro de téléphone du Premier ministre, il aurait préféré se rendormir. Donc, en réalité, les premiers à porter secours, c'était les piroguiers gambiens au lever du jour. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on appelle les drames de la routine. C'est-à-dire que ce bateau, bon, il part, il gîte, mais bon, on le sait, il est plus ou moins bien équipé, mais on le sait parce qu'il faisait cette liaison très souvent. Et tout va bien, c'est oui, le drame de la routine, ouais. Ça y ressemble quand même, hein. On est d'accord. Personne ne pouvait imaginer que ça se produirait, et puis ça s'est produit malgré tout. Alors, des enquêtes au Sénégal et en France ont conclu à de nombreuses fautes du commandant de bord, des autorités, de l'armée surtout. Donc la responsabilité de l'armée dans cette affaire. Bah, la responsabilité de l'armée, en fait, elle existe, tout le monde le sait. Après, c'est une responsabilité qui est, qui se mélange avec d'autres responsabilités, parce que les torts ne sont pas imputables à la seule armée. Et c'est difficile aussi de répondre, parce que, comme vous l'avez très bien dit, il n'y a pas eu de justice. Bon, quand la justice passe, c'est une forme de réparation de la faute commise. Et d'information. Ça permet aussi, ça permet aussi, et ça c'est très important, éventuellement un procès. Si ça atténue pas le chagrin des victimes, ça aide aussi à entamer le travail de deuil qui est très difficile à faire pour les familles parce qu'on a retrouvé très peu de corps. Hein. Je crois qu'on en a repêché seulement 300 environ sur 1863. Et le procès au Sénégal a été on peut qualifier ça de véritable parodie. La justice française a été déclarée incompétente par la Cour de cassation. Donc en fait, il y a eu quelques rapports d'expertise et des rapports judiciaires qui ont bien pointé du doigt la responsabilité de l'armée au niveau d'ailleurs de tous ces corps, mais très peu de gradés ont été sanctionnés. Et pourquoi le pouvoir sénégalais n'a-t-il pas voulu d'un procès, d'un vrai procès? C'était une histoire d'image pour le pays? À la fois, je pense que c'était une histoire d'image, pas seulement, parce que c'était peut-être aussi une histoire en fait de responsabilité individuelle, hein, oui, parce qu'il y avait de très hauts dignitaires qui étaient proches du président de l'époque, Abdoulaye Wad, comme par exemple le ministre des Armées ou le ministre de la Marine, ou même le président en personne, qui aurait pu être certainement inquiété au regard des circonstances dans lesquelles ce drame est arrivé. Et puis aussi, on dit qu'il y avait beaucoup de choses un peu louches, hein, qui se passait en lien avec le Djola, des trafics en tout genre dans les cales du bateau, une billetterie parallèle. Donc je pense que le pouvoir sénégalais préférait qu'aucun juge ne vienne mettre le nez de trop près dans ses affaires. Ça paraît clair. Parmi les rescapés, il y a un Français, donc Patrice Sauvray, que nous avons cité dans le récit. Il a d'ailleurs écrit un livre, lui aussi, qui s'appelle « Souviens-toi du Djola », publié en 2012. Vous avez discuté avec plusieurs rescapés sénégalais également. Bah, la question qu'on se pose, c'est comment on se remet d'une telle épreuve? Est-ce possible? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur ce point-là? Ah, ça a été très difficile pour eux. Hein. Je crois qu'on se remet jamais complètement d'une telle épreuve. Hein. La plupart des rescapés ont été obligés en fait de quitter la Casamance, Ziguinchor, parce que là-bas ils étaient considérés comme des sorciers. On se demandait pourquoi c'était eux et pas d'autres qui avaient réussi à survivre au naufrage. Alors ceux qui ont évidemment ils ont touché ce petit pécule de 10 millions de francs CFA, enfin petit, je mets les guillemets. Avec cet argent, certains ont tenté l'aventure migratoire vers l'Europe. Certains y sont parvenus, pas tous. Et puis, en fait, il y a encore beaucoup de rescapés. J'en ai rencontré certains en 2017 à la cérémonie du 15e anniversaire du drame qui me disent que ça fait 15 ans qu'ils n'arrivent pas à s'endormir, par exemple, sans somnifère. Hélène, l'épicière dont je parlais au début de l'émission, qui a perdu son fils pendant des années, à chaque fois qu'elle entendait le bruit d'une voiture monter la côte de son village, elle pensait que... Enfin, elle pensait... Non, elle était lucide, mais elle s'imaginait que c'était peut-être son fils Dominique qui rentrait. Donc, on se remet jamais complètement d'une telle épreuve. Je crois qu'on l'entend d'ailleurs dans les mots de Patrice Sauvray et aussi dans ses écrits, si on prend le soin de lire son livre. Bien, ce sera le mot de la fin, Adrien Absolu. Est-ce que je peux vous juste rajouter quelque chose très rapidement. Ouais. Parce qu'on a parlé du désintérêt des Français, pour ce drame. L'association des familles des victimes demande depuis des années simplement un petit monument qui puisse être érigé au jardin du souvenir du Père Lachaise. Hein. D'accord. Il y en a eu pour le Rio Paris, il y en a eu pour le Sharm El Cheikh. Un endroit pour se souvenir. Ils ont envoyé beaucoup de courriers à la présidence, à la mairie de Paris, et à chaque fois on leur a dit la même réponse, une formule de condoléance et une fin de non-recevoir. Il n'y a plus de place au Père Lachaise. C'est un cimetière qui fait 44 hectares, donc sans commentaire, mais ça serait important pour eux, un endroit où puissent s'ancrer cette peine. Vous avez bien fait de le rappeler. Et un souvenir. Merci. Au revoir, Adrien Absolu. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le naufrage du Djola, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Lison Berger.